Chapitre 10. J'ai froid dans ce pays. Fête de Noël chez les parents de Klaus à Bückeburg. Je tais ma réprobation devant leur folie dépensière, ainsi que mon sentiment d'étrangeté devant tout le tralala solennel déployé à cette occasion. Mais quand la famille en dehors de Klaus entonne « Stille Nacht, heilige Nacht » avec la maman au piano, j'ai du mal à garder mon sérieux. Je n'ai décidément pas le sens du sacré chrétien. Non, je n'irai pas à la messe de minuit, dis-je peu après, avec un brin d'arrogance, comme s'il y avait vraiment de quoi en être fier. Voilà, les choses sont clairement formulées une bonne fois pour toutes. Finalement, tout le monde est resté à la maison. De retour à Brunswick pour quelques jours, j'étudie, fais la cuisine et du ménage. Car le choucas de Klaus, furieux d'avoir été laissé seul, a disséminé partout ses fiants, renversé des objets et éventré un paquet de sucre et un autre de farine. Il a encore croassé avec fureur pendant quelques minutes à notre arrivée, puis a fini par se calmer en regardant Klaus droit dans les yeux. « Ah, tu reviens !» Depuis, Jacob passe ses journées sur l'épaule de son maître, qui dessine en écoutant Leonard Cohen, comme d'habitude. La bête et l'homme, un grand admirateur de l'éthologue Conrad Lorenz, vivent complètement en osmose. Dieter, ce gentil fils de paysan de la lande de Lüneburg que Klaus connaît depuis son enfance, vient nous rendre visite un dimanche avec sa jeune épouse Elisabeth. Toute la journée, les trois Allemands la passent affalés sur le lit, à boire de la bière et à faire de grosses et grasses plaisanteries, tandis que moi, un peu agacé, je regarde souvent par la lucarne de la mansarde le ciel blanc et les toitures enneigées. Je n'en peux plus de l'Allemagne, de ses bises sibériennes et de cette chape ouatée ensevelissant êtres et choses. Un jour, nous accompagnons Wolf et Angelica à Riedeckhausen, dont les étangs sont gelés. C'est beau sous le soleil glacé. Les gens s'amusent comme des enfants sur leurs patins. Mais je reste sur le bord à faire les 100 pas avec la nostalgie soudaine et poignante de ma région natale, avec ses églises romanes, ses vieilles pierres, ses jolis flottis de nuages, ses bruines, sa douceur. Au retour de notre promenade, la belle Angelica me confie qu'elle est décidée à rompre avec son ami pour lequel elle ne veut plus être seulement un objet sexuel. « Il en va de sa dignité, martèle-t-elle. » Je me dis que la jeune fille dont je connais la rengaine a au moins le mérite de voir la réalité bien en face. Mais va-t-elle franchir le pas? Nous rendons aussi visite à Bernd, un étudiant en art plastique récemment marié avec Gerda, secrétaire dans une grande entreprise. Lui s'amuse beaucoup en parlant des livres farfelus qu'il est en train d'écrire. Elle dit qu'ils n'auront jamais d'enfants. Il y a beaucoup trop de contraintes et déjà bien trop de petits malheureux dans ce bas monde. Elle ne se conçoit pas comme une simple reproductrice, mais ne nourrit pas pour autant de grandes ambitions d'ordre professionnel. Je les imagine tous les deux dans 10, 20, 30 ans, dans leur petite cuisine, leur petit salon, avec leur petite tasse à thé devant leur petite télé. Est-ce cela aussi qui m'attend? Quel univers étriqué et morne! Quel sens a cet enfermement à deux dans la sphère privée? Qu'est-ce que je souhaite pour moi-même en vérité? Il me semble que mes voyages, aussi riches soient-ils de contenu, ne sont guère autre chose qu'un ornement de mon esprit, un magnifique plaisir égoïste. Je voudrais maintenant m'impliquer dans la vie sociale et la marche du monde, me sentir utile. J'ai été profondément choquée lorsque Klaus m'a déclaré un jour qu'il fuirait s'il y avait une guerre en Allemagne. Mais enfin, lui ai-je dit, il faut faire face, il faut résister, se battre. Il a haussé les épaules. Si les gens ont envie de se cogner dessus, ce n'est pas mon problème. Nombre de tes compatriotes, opposants au régime hitlérien, ont eu beaucoup de mal à trouver un asile à l'étranger. Échappe-t-on à une guerre mondiale? Oui, je sais bien. Mais je m'en tape des valeurs patriotiques et des idéologies, tu comprends? Toi, tu me fais déjà bien assez peur avec tes sympathies pour le communisme. Heureusement que Wolfram, qui habite maintenant au même étage que Klaus, passe souvent. Sa jovialité naturelle détend l'atmosphère et m'émoustille quelque part dans mon corps. Mais je me garde de manifester quoi que ce soit, car Claudia, très amoureuse de ce beau gars, est une gentille fille que je ne voudrais pas peiner. Le grand Karl, lui, raconte en caressant sa moustache blonde son récent séjour à Lausanne auprès d'Agnès, l'ex-amie d'Andreas, aucunement fâchée, puisque les deux garçons envisagent de voyager tous les deux en Turquie l'été prochain. Il apporte avec lui des photos d'Anatolie qui inspirent vivement Klaus, lequel entame le jour suivant un tableau avec des rochers troglodytiques dégoulinant de sperme, incrustés de sexe féminin et de portraits de sa chérie. Pourquoi donc son talent s'exprime-t-il de cette façon? Est-ce l'expression d'une frustration sexuelle? La Saint-Sylvestre se passe avec tous les copains dans un Brunswick pétaradant illuminé par les feux d'artifice. Par moins 20 degrés, les nez sont rubicons et des milliers de bouches fument. Mal équipée en vêtements chauds, je retrouve avec soulagement la maison des Grossmann, toujours aussi nue et livrée à l'abandon, mais bien chauffée. Jusqu'à 7 heures du matin, notre joyeuse bande noie dans l'alcool l'année passée, autour de la sirupeuse mère de famille, trônant souverainement dans son fauteuil, comme toujours. Katchen, lui, n'a pas montré le bout de son nez. Béaté frappe à ma porte aux alentours de midi. « Viens, Clotilde, viens voir !» Je suis ma camarade dans la salle à manger de notre étage, où plusieurs étudiantes se tiennent devant la large baie donnant sur un terrain très pentu. « Là, entre les arbres, tu ne vois pas ?» À hauteur des fenêtres, à moins de 10 mètres, la bigleuse que je suis finit par distinguer une ombre grise entre des troncs moussus. Des mains sur lesquelles tombe un rayon de soleil. Des mains qui s'activent furieusement. Sous un chapeau clair, des yeux fixent intensément les jeunes filles qui ont quitté leur table pour jeter un coup d'œil. « Ce n'est pas la première fois que je le vois !» s'exclame Jutta. « Il vient quand il sait que nous sommes là, toujours au moment du déjeuner !» Catherine, étudiante en psychologie, déclare « Laissons-le faire sa petite affaire sans nous !» La conversation dévie sur la sexualité s'affichant actuellement partout sous des formes répugnantes. Les filles présentes sont écœurées, se sentent salies, outragées. Arrive sur ces entrefaites Rainer, un jeune étudiant ami de Beate, qui, mis au parfum de l'exhibitionnisme de l'homme caché dans le bosquet, déclare que ce n'est pas bien grave tout ça. Il faut laisser les instants s'exprimer. Le temps est venu d'arrêter de réprimer et d'interdire. Sur ce, Beate l'invite à venir boire un verre de thé dans sa chambre avec moi. Comme si nous nous étions concertés, nous nous extasions sur le physique du jeune homme assis entre nous sur le lit. Ah, ses larges épaules! Ah, ses muscles d'athlète! Ah, ses petites fesses joliment moulées! Ce petit jeu dure quelques minutes. Rainer, effaré, décontenancé, rouge de confusion, finit par se lever et bredouille. « Excusez-moi, je m'en vais. » Beate le retient par la manche. « Arrêtons de réprimer et d'interdire. » « Mais Beate, j'ai du mal à m'exprimer. » « Je l'espère, Rainer. » Dans le couloir, je croise Catherine et son fiancé turc qu'elle va suivre à Ankara à la fin de l'année. On dirait qu'elle marche dans son ombre, si douce, si soumise, avec des épaules déjà si rondes. Se serait-elle convertie à l'islam? De ma fenêtre, je vois en contrebas Byron devant la porte de sa résidence, le bras appuyé contre le mur et les yeux levés dans la direction de ma chambre. M'attend-il? C'est dimanche pourtant. Sa fiancée devrait venir. Je lui fais signe que j'arrive. J'écris ce soir à Klaus une lettre, ce qui est devenu plutôt rare. Liebling, me voici de retour de Berlin depuis avant-hier soir. Tu sais que je t'avais parlé de ce voyage organisé par l'université de Göttingen pour les étudiants étrangers auxquels je désirais tant participer. Qu'est-ce qui m'attire là-bas en RDA? Eh bien, voir de mes propres yeux à quoi ressemble ce socialisme si honni par les Occidentaux. Les frontières m'ont toujours paru artificielles, mais un mur étanche entre les hommes, je ne comprendrai jamais. Chaque fois que je me suis retrouvée à proximité du rideau de fer, j'en ai été profondément remuée, et cela n'a fait qu'attiser mon intérêt pour l'histoire et la politique, ce que tu sais déjà. Je cherche à aller à la racine de ce qui divise les hommes. Nous avons passé la journée entière dans le car, en raison des haltes de plusieurs heures au poste de contrôle de Hemmelstedt-Marienborn et à l'entrée dans l'ex-capitale, alors que Göttingen n'est qu'à un peu plus de 300 km de Berlin. Les soutes du car ont été entièrement vidées et je n'oublierai jamais le visage de ce policier qui m'a longuement dévisagé en silence de ses yeux glacés lors de la vérification des passeports. Je n'avais rien à craindre. Et pourtant, je n'en menais pas large, comme si j'avais commis quelque faute. Les êtres humains sont vraiment très forts pour terroriser leurs semblables. J'étais aussi très émue au passage du mur entre les deux parties de la ville. Mais pour nous, les étrangers, le passage à Checkpoint Charlie fut assez rapide. Comme nous avions quartier libre pour quelques heures, j'ai quitté le groupe afin de flâner à ma guise dans les rues. À une petite centaine de mètres à vol d'oiseau de Berlin-Ouest, dont le modernisme m'a laissée indifférente, commence un autre monde. C'est vraiment surréaliste. De grandes places où on peut encore voir des ruines, des bâtiments neufs mais lugubres, peu de magasins. Et quels magasins! Des gens enfermés en eux-mêmes, me semble-t-il, et plutôt mal habillés. De la vie grise de caserne, comme le temps tristounet de ce jour-là. Est-ce là le socialisme? Certes, un peu plus de 25 ans après la fin de la guerre, on ne peut peut-être pas s'attendre à une vision plus attirante et colorée. Le soir, nous avons assisté à la représentation de Mère Courage et ses enfants de Brecht. La salle du Berliner Ensemble était pleine à craquer de gens simples qu'on sentait avides de culture. Ce côté-là, je l'ai souvent observé chez les Allemands. Je fus très gênée par le regard de ma voisine qui n'arrêtait pas de me fixer. Je sentais qu'elle voulait me parler, mais n'osait le faire, car est-il vraiment permis d'échanger avec des étrangers? La mise en scène m'a quelque peu déroutée, mais moins qu'Outrage public, la pièce de Peter Handke que j'ai vue la veille à l'Ouest. Les phrases répétées à l'infini, les spectateurs rejoignant à la fin les acteurs sur la scène, tout cela est bien trop avant-gardiste pour moi. En rentrant le soir à notre hôtel à Berlin-Ouest, j'ai soupiré d'aise, comme si je quittais une prison. Le lendemain soir, j'ai assisté à un concert à Berlin-Ouest avec Karajan, qui se donnait des airs de grand prince de ce monde. Je me suis ennuyée. Mais tu sais que je suis peu sensible à la musique classique, qui ne m'est aucunement familière. J'ai noué quelques belles relations avec des compagnons de voyage. Je t'en dirai plus quand nous nous reverrons la semaine prochaine. Bise. Je viens d'arriver à Brunswick où Klaus arbore un air chagrin et lointain, presque souffrant. J'ai l'impression d'être une intruse. Monsieur, assis sur son vieux canapé avec son chouka sur l'épaule, ne daigne pas se déplacer pour un petit baiser. Mais qu'est-ce que je fais là? Moi-même, d'assez mauvaise humeur, je n'ai pas pris place comme je le fais d'habitude à côté de Benny, l'étudiant en histoire aveugle avec lequel je fais le voyage en train depuis Göttingen, une fois tous les 15 jours. Je ne sais plus comment parler à ce pauvre beau garçon aux yeux morts, car je sens qu'il s'attache de plus en plus à moi, ce que je ne désire pas. Assise en face de lui, j'ai bien senti qu'il tâtonnait autour de lui, comme dans le vide. À un moment, je l'ai entendu dire. Vous êtes là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Je n'ai pas répondu, et pendant tout le trajet, je respirais faiblement, comme si Benny pouvait être dupe. Quel lâche! J'ai honte. J'ai à peine posé mon sac chez Klaus qu'il me demande si je lui ai rapporté le livre d'art qu'il m'avait prêté. Non, je ne l'ai pas. Je l'ai où? Je l'ai oublié. Est-ce si grave? Je te l'enverrai par la poste. Tu n'as vraiment rien dans le crâne, répond-il, rouge de colère, et se levant comme s'il allait me frapper. Alors j'explose et repart en claquant la porte. Il me rattrape. Je le pousse violemment contre la fenêtre de l'escalier donnant sur une cour. Fais le geste de le faire basculer dans le vide 4 étages plus bas. Puis je me sauve dans les rues de Brunswick par moins 15 degrés. Des rues désertes, des congères sur les trottoirs, une bise glaciale. Où aller? Où s'abriter? Il n'y a plus de train à cette heure-ci pour rentrer à Göttingen. À une station de bus où je vais et viens comme une folle, échevelée, hoquetante et ruisselante de larmes, un homme s'approche de moi. Peut-il m'aider? Demande-t-il gentiment. Non, je n'ai besoin de personne. et me sauve après l'avoir copieusement insulté. Les hommes sont tous des pourritures, des moins que rien, qu'ils ne m'approchent pas. Frigorifiée, je m'en reviens toute penaude chez Klaus et vais me blottir dans un coin de la pièce, où je pleure sur moi-même jusqu'à épuisement. Mes réserves lacrymales semblent inépuisables, alors que je ne pleure jamais. Pourquoi faut-il qu'ils me harcèlent toujours pour des vétilles, comme cette fois où je ne trouvais pas la lampe de poche au moment de monter la tente dans un coin de la campagne grecque? L'ordre, je ne savais pas ce que c'était. J'étais une bonne à rien, invivable au quotidien. Je m'étais jetée sur lui, l'avais giflé, couvert d'injures ordurières. Puis, sous la lune, dans le plateau désert, je m'étais frappé la tête contre un rocher dans l'espoir de contrebalancer la douleur insupportable me martelant à l'intérieur. Il me regardait, les mains nouées, avec l'air de quelqu'un qui se demande pourquoi le bon Dieu avait placé une telle hystérique sur sa route. Parfois, je me dis que mes violentes réactions ne sont pas normales et que je suis malade de la tête ou des nerfs. J'encaisse pendant des semaines et des mois, puis j'explose de la même manière que mon père, qui pique aussi deux ou trois fois par an des colères terrifiantes en direction de ma mère. Une fois la crise terminée, parfaitement calme, je retourne à mes chères études. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment puis-je ainsi me laisser détraquer par un rien, une remarque faite sur un bouton que j'ai sur le nez, mes cuisses musclées, mon trop bon appétit et le moindre gramme de trop? Klaus me veut parfaite physiquement, comme une figure de magazine. Il ne m'aime pas comme je suis, c'est clair, mais il n'est pas question qu'on me réduise à un corps. Est-il amoureux d'une autre fille? Il m'a bien avoué un flirt après mon avortement. Soulagé qu'il était, paraît-il. Jusqu'où est allé ce flirt dans ce pays où la libération des mœurs est à la mode? Il cache peut-être bien son jeu. Bon, de son côté, il aurait des raisons d'être furieux s'il savait que d'autres figures viriles que lui-même trottent dans ma tête. Un professeur de mon ancienne université qui m'attire par le mystère dont il sait s'auréoler. Un bulgare d'une trentaine d'années qui s'est amouraché de moi l'année dernière et m'adresse encore quelques lettres. Un Suisse à l'air romantique, rencontré lors de mon voyage à Berlin. Et puis Byron. Oui, il y a Byron, bien sûr. Une relation que je cache soigneusement à mon amoureux officiel qui en prendrait peut-être ombrage, alors qu'il ne s'agit que d'une amitié, n'est-ce pas? Je caresse peu, c'est vrai, j'en ai rarement envie. Je le fais souvent, machinalement, sans lâcher mon livre, et me plains rapidement de douleur au bras. Je ne suis pas douce, mais la douceur est une qualité inconnue dans ma famille, qui montre si peu ses sentiments qu'on peut se demander si elle en a. J'exagère sûrement. Mes parents aiment beaucoup mes deux jeunes sœurs, j'en suis certaine. Les rapports froids que j'ai avec eux viennent peut-être de moi. Maman dit que je ne suis pas toujours facile. Klaus attend autre chose que je ne sais pas donner, c'est évident. Mes amis pourraient peut-être m'éclairer sur la nature de ma relation avec lui, mais j'ai laissé choir tout le monde en France, comme si j'avais craint de mutiler mes sentiments amoureux en dispensant mon cœur à d'autres. Tout devrait être pour lui, tout. Maman m'a dit une fois, « Ta relation avec Klaus ne me regarde pas, mais ne s'agit-il pas surtout d'une amitié ?» Elle voit peut-être les choses avec plus de justesse que je ne le crois. Je n'ai pas répondu, mais ce questionnement me turlupine depuis. De toute façon, je suis trop fière pour reconnaître mes erreurs. Douter de la réalité de cet amour frise aussi pour moi le sacrilège. Et puis ne passons-nous pas pour un couple parfait auprès des copains de Klaus, alors que, seuls l'un avec l'autre, nous nous étripons parfois sans pitié? Ferais-je vraiment de la peine à Klaus si je le quittais? Bah, il survivrait. Les jolies filles ne manquent pas. Il se sentirait obligé de me rendre la quatrelle ou de me l'acheter. Et ça, ça l'embêterait. Mais je ne suis pas pingre. Il peut garder tout ce que je lui ai offert. Il ne me demande pas de venir plus souvent le voir, alors que ce serait possible. Et nous ne nous écrivons pas non plus. Il ne m'a rendu visite qu'une seule fois à Göttingen. Mais est-ce que cela me gêne? Est-ce qu'il me manque tant que ça? Sincèrement, non. Je passe beaucoup de temps à la bibliothèque universitaire et suis très occupée par la rédaction de mon mémoire sur Caspar David Friedrich. Je flâne parfois dans les rues et m'arrête régulièrement dans la même boulangerie, moins pour la qualité du pain que pour le sourire de la belle et gentille serveuse avec laquelle j'aime échanger quelques mots quand elle a le temps. Lire mon journal et papoter avec Byron et les filles de mon étage sont pour moi un divertissement suffisant. Je ne participe pas à la vie estudiantine de Göttingen, une ville dont la réputation, par la chanteuse Barbara, me semble surfaite, bien que je sois d'accord avec son contenu pacifiste. Avec son hiver interminable, n'est-elle pas ennuyeuse à mourir? La neige, ce n'est beau qu'au début. Quand je ferme la porte de ma chambre derrière moi, je retrouve sans tristesse et presque avec soulagement ma chère solitude. Tout comme autrefois, quand je me pelotonnais sous mon bureau ou une table pour rêver et me raconter des histoires. Klaus a raison, je suis invivable au quotidien. Après mes éternelles interrogations douloureuses, je finis par me coucher tout en continuant de pleurer. Pardonne-moi, je ne vais pas très bien. Klaus pose sa main sur mon épaule. Il n'y avait vraiment pas de quoi te mettre dans tout cet état. Dormons, demain ça ira mieux. Ce soir n'est pas comme les autres soirs. Les arbres sont en fleurs, l'air est très doux. Toute la journée, les oiseaux s'en sont donnés à cœur joie. Byron, assis à son bureau à côté de moi devant le manuel de grec, a l'air ailleurs. Sa belle peau mate est un peu congestionnée, son regard velouté plus brillant que d'habitude, le flot de sa voix quelque peu heurté. Byron, donne-moi un verre de Retsina et mets un peu de Théodorakis. Je n'ai pas envie de travailler ce soir. Dis-moi, tu as l'air fatigué. Es-tu malade? Toi, tu ne te plains jamais. J'ai beaucoup de travail. Je me lève tôt le matin. Dans 3 mois, je passe mon dernier examen. Puis je quitterai l'Allemagne, sans doute définitivement. Moi, je partirai pour la France à la mi-mai. Nous ne nous reverrons plus. Dis, tu emmèneras Irmgard avec toi? L'aimes-tu tant que ça? Elle est très gentille. Elle me secondera dans ma tâche de médecin. Irmgard est une jeune trentenaire qui sait ce qu'elle veut dans la vie, me dis-je. Moi, je ne suis qu'une toute petite jeune fille de 22 ans, mignonne et gentille, comme dit Byron, naïve et inexpérimentée en tout. Dis, tu n'as pas peur de la dictature? Tu veux vraiment retourner dans ton pays? Byron secoue la tête. Je ne fais pas de politique, je te l'ai déjà dit. Ne t'en fais pas. De quoi avons-nous parlé depuis notre dernière rencontre il y a 6 mois? Que savons-nous l'un de l'autre? Il ne fut toujours question dans nos discussions que d'une Grèce poétique, sous un ciel immuable au milieu d'une mer bleue, de petits échanges légers, pleins de gaieté. Jamais je n'ai interrogé sur sa famille. Je contemple une photo de Délos avec ses lions de pierre juste en face de moi, les yeux embués de larmes. Une main caresse mes cheveux. Alors je plonge ma tête dans le creux de l'épaule de Byron et sanglote. Encore une histoire qui n'a aucun sens et me laissera jamais une nostalgie indéfinissable. J'en suis sûre. Nous nous embrassons et comme au temps d'Asis, nos baisers sont doux, suaves, légers et profonds, avec un goût d'éternité. Il faut en rester là. Il faudrait en rester là. Mais le désir nous entraîne vers le lit. Lorsque j'entrevois la jambe atrophiée de Byron, mon corps se raidit. Ne pouvant me défaire de ma vision, je ne m'abandonne pas. Nous ne tardons pas à nous rhabiller, chacun avec ses pensées. Quelques instants plus tard, Byron tapote ma joue que je pose contre la sienne. Tendresse, amour, Irmgard aime Byron sans réserve avec son handicap. C'est admirable, je n'en suis pas capable. Peut-être faudrait-il s'habituer. Je n'en ai pas le temps. Et puis, il y a Klaus. Dernier samedi à Brunswick avant mon départ pour la France. Klaus me convie à un spectacle bizarre. Une femme couchée par terre, recouverte de viscères encore chauds, d'un porc écorché vif, de sang, de pisse et d'excréments humains. Un homme torse nu qui gesticule. Otto Mühl, un Viennois venu faire un happening, c'est-à-dire un spectacle improvisé devant les étudiants et les professeurs de l'école des beaux-arts de Brunswick. Dans une atmosphère quasiment religieuse, les jeunes gens, apparemment pas choqués, arborent un air sérieux et concentré. Sans doute vont-ils gloser pendant des semaines avec pédantisme sur la chose avec leurs professeurs et entre eux. Je ne comprends pas. Je ne perçois que l'avilissement de la femme et l'inutile cruauté de la mise à mort de l'animal. Quel est le sens de ces actions d'une violence extrême? Que veut-on dénoncer? La cruauté humaine d'une manière générale? Pourquoi rajouter de la cruauté à la cruauté par des moyens nullement artistiques? Inutile de rajouter de l'horreur à l'horreur. Qu'on se penche plutôt sur les atrocités du monde présent et passé. Qu'on dénonce encore plus fort la sale guerre au Vietnam, par exemple. Qu'on ouvre le chapitre tabou des camps d'extermination nazis. Que ces gens-là s'intéressent donc à Bergen-Belsen ou Neuengamme, à côté de chez eux. Je ne peux pas supporter l'abominable mise en scène et me lève. Klaus me suit, quittant sans doute les lieux à contre-cœur. Dans le hall d'entrée de l'école, un professeur assis dans un fauteuil regarde au loin. Un aristocrate, une figure imposante, sculpteur et dessinateur, philosophe de formation, qui nous a montré gentiment certaines de ses œuvres la semaine dernière. Il nous hèle et pleure dans un allemand exquis sur la mort du savoir-faire ancestral et du raffinement spirituel de l'artiste au profit de la provocation facile et obscène emballée dans un langage creux et abscon. Klaus, qui aime et pratique en dessin minutieux, acquiesce en silence. Mais je le sais perméable à toutes ces manifestations contemporaines et à l'idéologie qui les entoure. Lui aussi pense que l'heure est venue de donner libre cours aux instincts soi-disant refoulés par la société castratrice. Moi, comme l'année précédente, j'ai maintenant plus que hâte d'aller respirer à nouveau l'air de mon pays natal, où je dois de toute façon remettre mon mémoire. Le lendemain, Klaus me conduit à la gare, ému, un peu triste. Liebling, tu reviendras? Mais oui, voyons, vers la fin juin. Je n'oublie pas notre prochain voyage en Scandinavie, rassure-toi. Mais où ai-je donc mis les adresses de Byron et de mes amis de Göttingen? C'est bien vrai que je suis une grande étourdie.